Abraham, l'ami de Dieu. Abraham est un homme heureux. Il vit entouré de nombreux troupeaux de chèvres et de moutons. Il a beaucoup de serviteurs. Mais ce qu'Abraham a de plus précieux, c'est son épouse, la belle Sarah, qu'il aime tendrement. Pourtant, au fond de son cœur, il garde un petit coin de tristesse. Sarah et lui n'ont pas d'enfants. Un soir, alors qu'Abraham contemple le ciel plein d'étoiles, il entend la voix de Dieu qui lui dit « Abraham, quitte ton pays et la maison de ton père. Je vais te donner une terre et je ferai de toi un grand peuple. » Quelle promesse! Même s'il est déjà vieux, Abraham croit en cette parole. Il s'en va donc avec sa femme Sarah, tous ses serviteurs, ses nombreux troupeaux et toutes ses richesses. Ensemble, ils marchent des jours et des jours, lentement, au rythme des troupeaux. Il fait chaud. Chaque soir, ils s'arrêtent pour dresser leur campement et allument un grand feu. Lorsque l'herbe est abondante, ils restent plus longtemps pour faire paître les bêtes et se reposer. Un beau jour, ils arrivent sur une terre verdoyante, le pays de Canaan. Là, ils décident de planter leur tente à l'ombre d'un grand chêne. « Te voilà arrivé !» dit alors le Seigneur à Abraham. « Ce pays, je te le donne, à toi et aux enfants que tu auras. » Abraham contemple la plaine à perte de vue. Les mois et les saisons passent. Abraham garde en son cœur la promesse de Dieu, mais il n'a toujours pas d'enfant. Un jour, à l'heure la plus chaude de la journée, Abraham se repose à l'entrée de sa tente. Levant les yeux, il aperçoit trois hommes qui s'avancent sur le chemin pierreux. Comme ils doivent être fatigués. Aussitôt, Abraham va à leur rencontre. Mes seigneurs, venez vous reposer sous le chêne. Les voyageurs le remercient et vont s'asseoir à l'ombre de l'arbre. Abraham leur apporte des galettes de blé et du lait de ses chèvres. Il les reçoit comme des rois. Alors, l'un des trois voyageurs regarde Abraham en souriant et lui dit « Dans un an, Sarah et toi, vous aurez un fils. » Le cœur d'Abraham se gonfle de joie. À l'intérieur de la tente, Sarah, qui a tout entendu, éclate de rire. « Quelle idée ! Je suis une vieille dame à présent !» Comment pourrais-je avoir un enfant? Pourtant, quelque temps après, le ventre de Sarah s'arrondit. Elle sent le petit bébé bouger en elle. Quel bonheur! Sarah rit de tout son cœur. un an après la visite des trois voyageurs, elle donne naissance à un solide petit garçon, Isaac. Dieu vient de lui faire le plus beau des cadeaux. Isaac grandit et devient un petit garçon gai et courageux. Abraham l'aime tendrement. Avec son père, Isaac apprend à connaître ce Dieu très bon qui veille sur eux. Souvent le soir, sous les étoiles, Abraham parle seul à seul avec Dieu, son ami. Seigneur, je te rends grâce pour le fils que tu m'as donné. Tout ce que tu veux, je le ferai. J'ai confiance en toi. Plein d'admiration devant la foi d'Abraham, Dieu lui fait une nouvelle promesse. Comme tu m'aimes, Abraham, ta foi est grande. Moi, je vais te bénir, proclame le Seigneur. Ta descendance sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel et les grains de sable au bord de la mer. Et par toi, je bénirai toutes les familles de la terre. Au long des années, la famille d'Abraham grandit sous le regard de Dieu. Isaac devient un homme bon. Il se marie avec la douce et forte Rebecca. Ils ont deux fils, Jacob et Ésaü, qui, à leur tour, deviennent des hommes. Dieu bénit Jacob en lui donnant 12 fils qui seront les chefs des 12 tribus d'Israël. Abraham se retrouve ainsi le père d'un grand peuple, comme Dieu l'avait promis. Et le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob veille fidèlement sur son peuple, comme un père veille sur son enfant.